بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous, ahlan wa sahlan wa marhaban bi jami' al mustami'in wal mustami'at, hayakum Allah ala ta'ati. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit bienfaisant envers vous et vous facilite. Donc nous poursuivons notre série de cours intitulée « Sur le chemin de la hijra ». Et la semaine dernière, nous avons parlé des méfaits de délaisser la hijra. Et aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, nous allons réfuter certaines ambiguïtés autour de la hijra. Car comme vous le savez, ikhwani fillah, le sujet de la hijra est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Et malheureusement, certaines personnes qui ont parlé sur ce sujet se sont écartées de la vérité. Et en plus de cela, ils ont répandu des ambiguïtés et ont fait douter certains musulmans vis-à-vis de cette immense adoration. Il est donc important de réfuter ces ambiguïtés, surtout que parfois elles sont la cause que certains musulmans ne donnent pas d'importance à cette adoration. Et j'ai donc choisi plusieurs ambiguïtés sur ce sujet. Certaines ont été répandues par certains prêcheurs du faux, et d'autres sont des paroles récurrentes qui sont connues de tous. Donc la première de ces ambiguïtés est que les nombreux textes qui parlent de la hijra ont été révélés dans des contextes bien précis. Et donc, il est important de prendre en compte le contexte dans lequel elles ont été révélées et aussi leur cause. Et comme le contexte des pays mécréants n'est plus le même qu'à l'époque, on ne peut pas se servir de ces preuves pour affirmer que la hijra est obligatoire. Et parmi ces preuves, nous avons le verset qui est très connu dans sourate An-Nisa, Le verset 97 dans Sourate An-Nisa, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna alladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, qalu fima kuntum, qalu kunna mustad'afina fil ard, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha » Donc la traduction de ce verset, lorsque les anges prennent l'âme de ceux qui se sont fait tort à eux-mêmes, ils leur demandent « Où étiez-vous ?» Ils répondent « Nous étions opprimés sur terre. » Ce à quoi les anges disent « La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer ? Ceux-là auront pour la destination finale l'enfer. » Et quelle mauvaise destination. Et donc ils vont te dire que si on regarde la cause de la révélation de ce verset, nous allons trouver que ce verset fut révélé car des gens de la Mecque embrassèrent l'islam et le dissimulèrent. Les polythéistes les prirent avec eux pour la bataille de Badr et certains furent tués. Et les musulmans dirent alors « Nos compagnons étaient musulmans » et furent contraints, si bien qu'ils demandèrent pardon pour eux, et Allah subhanahu wa ta'ala révéla ce verset. Et donc, selon eux, ce verset n'est pas une preuve indiquant l'obligation de la hijra. Donc voici un résumé, un bref résumé de leur ambiguïté. Et pour réfuter cette ambiguïté, ikhwani fillah, il nous suffit de mentionner une règle. Une règle dans le tafsir. Al-ibra bi'umum al-alfaz la bi-khusus al-asbab. Cette règle est, c'est la généralité des textes qui est prise en considération et non pas les causes pour lesquels ils sont descendus. Et cette règle-là, ikhwani fillah, est une règle qui est très importante. C'est-à-dire que lorsque nous avons un verset du Coran qui a été révélé à cause d'une personne en particulier, le jugement est général, car ce qui est pris en compte, c'est la généralité de ce verset. Et donc, concernant le verset 97 de Sourate An-Nisa, qui parle de la hijra, malgré qu'il fut révélé pour ceux qui sont restés à la Mecque et qui n'ont pas émigré et qui furent tués dans la bataille de Badr, ce verset est général. Ce verset est général. Il concerne toute personne vivant en terre de mécréance et qui ne peut pas extérioriser sa religion. Et ceci est la compréhension des savants enracinée dans la science. Et nous rappelons une énième fois la parole d'Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde concernant ce verset, qui vient appuyer cela. Et il dit, rahimahullah, je cite, « Ce verset est général concernant tous ceux qui demeurent parmi les polythéistes sans pouvoir appliquer leur religion. » Alors qu'ils ont la capacité d'émigrer, celui qui agit de la sorte se fait du tort à lui-même et commet une chose interdite à l'unanimité des savants. » Fin de citation. Et donc cette règle vient annihiler cette ambiguïté. La deuxième ambiguïté, certains vont te dire, si la hijra était obligatoire. Alors pourquoi certains compagnons sont restés en Abyssinie après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se soit installé à Médine? Si cela aurait été obligatoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur aura envoyé une lettre pour leur dire qu'ils sont dans le péché. Mais comme il ne l'a pas fait, ceci nous montre que la hijra n'est pas obligatoire et qu'il est permis de résider en terre de mécréance. Donc voici le résumé de cette ambiguïté. Et en vérité, Ikhwanifillah, elle est basée sur un point principal, qui est que certains compagnons n'ont pas rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, alors qu'il avait établi un état islamique. Et si on réfute ce point principal, ce qui vient après ne sera qu'une formalité, incha'Allah. Pour réfuter ce point, il suffit de dire que ceci nous montre simplement que la hijra a plusieurs jugements. Elle peut être obligatoire, comme elle peut être recommandée. Elle est obligatoire lorsque le musulman réside dans un pays de mécréance et qu'il ne peut pas extérioriser sa religion. Et elle est recommandée lorsque le musulman peut y extérioriser sa religion. Et lorsque nous regardons ce que les savants ont mentionné concernant l'Abyssinie, nous constatons que les musulmans pouvaient y pratiquer et extérioriser leur religion, en sachant aussi que le roi d'Abyssinie, An-Najashi, s'est converti à l'islam après avoir entendu le Coran. Et donc, il n'y avait pas d'obligation pour les compagnons de quitter l'Abyssinie. Et c'est certes une erreur manifeste de comparer l'Abyssinie à des pays mécréants tels que la France. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit le roi d'Abyssinie, An-Najashi, comme étant juste. Et aussi, il a mentionné qu'il n'acceptait pas l'injustice. Et lorsqu'il mourut, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à son sujet: un pieux serviteur d'Allah est mort aujourd'hui. Et il pria sur lui, comme cela est venu dans le hadith de Jabir ibn Abdillah, radiallahu an, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda même aux compagnons de demander pardon pour al-Najashi. Est-ce que nous pouvons dire, Ikhwanifillah, qu'en France par exemple, il y a la justice pour les musulmans? Est-ce que la fermeture abusive de certaines mosquées et de certains centres islamiques font partie de la justice? Les nombreux projets de loi contre l'islam et les musulmans font-ils partie de cette même justice? Est-ce que les caricatures de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam font-elles partie aussi de la justice? Il n'y a pas de doute que la réponse est non. Et il n'y a donc pas de comparaison possible entre l'Abyssinie de Najashi et les pays de mécréance tels que la France. Et donc, leur argument est certes caduc. La troisième ambiguïté, certains vont te dire, si la hijra était obligatoire, comment se fait-il que la plupart des musulmans vivant en terre de mécréance n'ont pas fait la hijra? Si on dit que la hijra est obligatoire, cela voudrait dire qu'un grand nombre de musulmans vivant en terre de mécréance et dans le péché. Donc voici leur ambiguïté. Et en résumé, elle consiste à prendre la majorité des gens comme preuve. Et cet argument, Ikhwanifillah, est rejeté. Car nous avons des preuves dans le Coran et dans la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, indiquant que la majorité n'est pas une preuve de vérité. Et dans de nombreux versets, Allah subhanahu wa ta'ala blâme la majorité. Nous avons par exemple le verset 116 de sourate Al-An'am, Sourate les bestiaux. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. Si tu obéis à la majeure partie des habitants de la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'éminent savant, Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde, il nous dit dans le tefsir de ce verset, je cite, « La vérité n'est donc pas selon le nombre de ses adeptes. Le fait qu'une chose soit adoptée par un petit nombre n'implique pas qu'elle soit fausse. En vérité, c'est même le contraire. Les adeptes de la vérité sont les moins nombreux, mais ce sont eux qui jouissent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala du plus haut rang et de la plus grande récompense. » Fin de citation. Et nous avons aussi le verset 17 dans Sourate Hud. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. Il dit: n'éprouve donc aucun doute concernant le Coran. Il est la vérité émanant de ton Seigneur, mais la plupart des gens n'y croient pas. Et nous avons aussi des preuves dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi elles, il y a le hadith d'Abdullah ibn Abbas qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les communautés me furent présentées. Je vis un prophète accompagné d'une poignée de personnes, un autre accompagné d'un ou deux hommes, et un autre que personne n'accompagnait. Et donc, ikhwan fillah, si un prophète appelle son peuple à la guider et qu'aucun d'entre eux répond favorablement, ou que seule une ou deux personnes répond favorablement, ceci n'indique pas que la majorité des gens qui n'ont pas répondu favorablement à son appel sont sur la vérité. Et nous pouvons même ajouter à cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs endroits du Coran, il fait l'éloge de la minorité. Dans plusieurs endroits du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait l'éloge de la minorité. La preuve de cela réside dans le verset 13 de sourate Saba. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: I'malu ala Daoud shukra wa qalilun min ibadiy ash-shakur. Il dit selon la traduction: ô membres de la famille de Daoud, soyez par vos actes reconnaissants. Peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Et nous avons aussi le verset 24 de sourate Sad. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa qalilum ma hum. Allah subhanahu wa ta'ala il dit selon la traduction: à l'exception de ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses, mais ils sont bien rares. Tout comme il est bon de rajouter que tous ceux qui vivent en terre de mécréance parmi les musulmans ne sont pas tous dans le péché, car certains n'ont pas la capacité de faire la hijra, que ce soit la capacité physique ou même la capacité financière. Et pour certains musulmans vivant en terre de mécréance, la hijra n'est pas obligatoire. Donc premièrement, la majorité n'est pas une preuve de la vérité et ce ne sont pas tous les musulmans qui vivent en terre de mécréance et qui ne font pas la hijra qui sont dans le péché. La quatrième ambiguïté, certains vont te dire, si tout le monde délaisse les terres de mécréance, et si tout le monde aussi fait la hijra, qui va prêcher les juifs et prêcher les chrétiens? Et qui va appeler à l'islam en terre de mécréance? C'est pour cela que le mieux, c'est de ne pas faire la hijra et d'appeler les mécréants à l'islam. Et donc en réponse à cette ambiguïté, il nous suffit de dire que ce qui incombe à la personne est de se préoccuper de sa propre personne et de sa famille. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ô vous les croyants, préservez vos propres personnes ainsi que vos familles du feu. Et c'est ce qui incombe aux musulmans. Le musulman doit se préoccuper de sa propre personne. Ensuite, il doit se préoccuper de sa famille. Il ne doit pas, en premier lieu, se préoccuper des autres, mais plutôt, il met sa religion en sécurité et il met la religion de ses proches en sécurité. Surtout que les savants nous mentionnent une règle très importante. Et cette règle est Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Les savants nous mentionnent que le fait de repousser un mal prévaut sur le fait d'amener un bien. Et donc, ici, le fait que tu mettes ta religion en sécurité et la religion de ta famille en sécurité prévaut sur le fait d'appeler les gens à l'islam et prévaut sur le fait d'être la cause que les gens soient guidés. Il t'incombe premièrement de mettre ta religion en sécurité et la religion de ta famille. Et cette ambiguïté, ikhwani fillah, me rappelle la voix d'un groupe égaré. Et ce groupe égaré est la secte d'établir. Car selon eux, il faut privilégier le prêche des musulmans, c'est-à-dire des autres musulmans dans les autres pays. Il faut privilégier ce prêche au prêche de sa famille. Et ils vont te dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, « Balliru anni wa law aya, transmettez de moi, ne serait-ce qu'un verset. » Et ils vont partir dans certains pays pour prêcher, selon eux, à l'islam. Mais par contre, tu vas voir souvent que les enfants ne prient pas, que la femme ne prie pas, ou bien que la femme ne porte pas le voile, et certaines choses de la sorte. Alors qu'en vérité, il convient que cette personne commence à faire la da'wa, commence à prêcher sa propre famille. Et donc ici, c'est exactement la même chose. Tu mets en sécurité ta religion et tu mets en sécurité la religion de ta famille. Et ensuite, alhamdoulillah, tu fais la hijra et par la suite, si tu peux aussi faire la da'wa, par exemple, si tu en as la capacité aux gens en France ou dans d'autres pays, alhamdoulillah, il n'y a pas de mal. dans cela. Et c'est une bonne chose, Naam. La cinquième ambiguïté, Ikhwan Fillah, certains vont te dire, pourquoi partir de la France? Alors qu'en France, on nous laisse pratiquer notre religion. Et qu'en France, nous avons la liberté de culte. Nous avons aussi la liberté de prêcher. Et donc, pourquoi faire la hijra? Pourquoi partir au Maroc, en Algérie? Pourquoi partir dans ces pays-là? Alors qu'en France, nous sommes libres. Nous sommes libres de prêcher. Nous sommes libres de pratiquer. Et donc, cette ambiguïté, Ikhwan Fillah, est très répandue à notre époque. Et cette parole, Ikhwan Fillah, est en contradiction avec la réalité. Cette parole est totalement contraire à la réalité. Surtout pour celui qui viendra à dire qu'en France, on peut prêcher librement. Comment la personne peut dire une telle chose? À quoi peut-on appeler en France? Est-ce qu'on peut en France appeler à l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme il se doit, en mentionnant le désaveu que le musulman doit avoir envers les mécréants? Quand bien même on pourrait faire cela, en règle générale, les mécréants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fermer la mosquée. Ou bien ils vont dire que cette personne est extrémiste, etc. Mais par contre, bien sûr, si nous avons le prêche des frères musulmans, il n'y a pas de doute qu'ils vont nous laisser prêcher et qu'on aura une certaine liberté. Mais celui qui veut appeler au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec la compréhension des pieux prédécesseurs, ils ne vont pas laisser cette personne tranquille. Et la réalité, Ikhwan Fillah, est une preuve dans cela. Et puis c'est très étrange qu'une personne puisse dire qu'en France, on peut pratiquer notre religion librement. Et ici, Ikhwan Fillah, nous pouvons donner quelques exemples. Le premier exemple que nous pouvons donner concernant le fait qu'il est très difficile, voire impossible, de pratiquer sa religion librement en France, c'est concernant les enfants. Regardez, Ikhwan Fillah, le nombre de musulmanes ayant atteint la puberté, qui sont en mesure de pouvoir mettre le voile. Si nous faisons une statistique, nous allons remarquer que beaucoup d'entre elles ne portent pas le voile, car ils n'ont pas forcément la liberté de pouvoir le porter, que ce soit par exemple à l'école ou autre. Alors que, comme vous le savez, le voile est obligatoire. Il est obligatoire pour la femme qui arrive à la puberté de se voiler. Et il n'y a aucune divergence sur ce sujet. Et ceci nous montre clairement, Ikhwan Fillah, que la personne ne peut pas pratiquer sa religion en toute liberté. Et aussi, lorsqu'on parle de l'extériorisation de la religion, le fait de pouvoir se désavouer des polythéistes et des mécréants, et de proclamer son désaveu. Ceci est une chose très difficile, voire impossible. Donc comment peut-on dire qu'en France, on peut pratiquer et extérioriser notre religion en toute liberté? Et donc cette parole contredit la réalité. Car ce n'est pas la réalité que vivent les musulmans en France. Comme vous le savez, la sixième ambiguïté, certains vont te dire qu'en France, on peut mieux pratiquer qu'en terre d'islam. Et certains vont même jusqu'à te dire que la France est plus musulmane que certains pays musulmans. A'oudhou billah min ad-dalal. Et il n'y a pas de doute que cette parole est un égarement flagrant. Car en terre d'islam, même si vous pouvez trouver certains défauts, en terre d'islam, par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le musulman est libre dans sa pratique religieuse et il peut extérioriser sa religion. Car l'islam y est apparent et les gens n'ont pas de problème avec l'islam. Au contraire de ce qu'on trouve en France. En France, par exemple, des choses qui sont censées rythmer la vie du musulman ne sont pas présentes. Prenez par exemple l'appel à la prière est censé avoir une grande place dans la vie du musulman et dans son quotidien. Mais dans des pays comme la France, nous sommes privés de ce bienfait et de cette chose immense dans notre religion. Et nous avons beaucoup d'exemples qui nous montrent que dans les pays musulmans, on pourra toujours mieux pratiquer son islam qu'en terre de mécréance. Et encore une fois, cette parole est en contradiction avec la réalité. Car la réalité nous montre que dans les pays d'islam, que ce soit en Algérie, que ce soit en Mauritanie, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Égypte, que ce soit dans les pays musulmans, d'un point de vue général, alhamdoulillah, la pratique de l'islam est facile. Et même une personne qui n'a pas forcément une bonne pratique religieuse, elle aura, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, beaucoup de choses qui vont l'aider à faire ses obligations, telles que la prière, car elle entendra l'appel à la prière, comme le jeûne. Car lors du mois de Ramadan, les musulmans jeûnent. Et aussi, par exemple, lors de la prière du Eid, tous les musulmans prient à la Moussalla et se rendent à la salle de prière pour prier Salat al-Eid. Et les magasins sont fermés et les gens ne travaillent pas lors de ce jour. Au contraire de ce qu'on trouve dans les pays mécréants. Alors comment dire que dans ces pays-là, on peut pratiquer mieux l'islam que dans les pays musulmans? Et comment dire que ces pays-là, où on vit au rythme de la mécréance, comment dire que ces pays sont plus musulmans que les pays musulmans? Wallahu al-musta'an. La septième ambiguïté, ikhwani fillah, certains vont te dire que pour faire la hijra, il faut certaines garanties. La première garantie qu'il faut concernant la hijra, c'est avoir une maison. Avoir une maison. La deuxième garantie, c'est d'avoir une entreprise et d'être son propre patron. La troisième garantie, c'est qu'il y ait dans le pays où tu vas faire la hijra, des écoles où les enfants peuvent apprendre le Coran et peuvent apprendre les sciences islamiques. Et d'autres garanties que vous connaissez. Nous répondons à cette ambiguïté, ikhwani fillah, d'une manière très simple. La plupart des gens qui vont émettre des conditions ou vont émettre ce genre de garantie, regardez leur situation en France. La première garantie qu'ils ont émise, c'est d'être dans une maison, d'avoir sa propre maison. Alors que la plupart d'entre eux, akramakumullah, ils vivent par exemple dans des HLM et ils n'ont pas forcément de maison à eux, en terre de mécréance. Mais par contre, lorsqu'on vient en terre d'islam, il faut forcément avoir une maison. Pourtant, en terre de mécréance, ce n'est pas le cas. Certains qui vont émettre la condition qu'il faut être son propre patron et donc avoir son entreprise. La plupart d'entre eux travaillent pour une personne en terre de mécréance et ils ne sont pas leur propre patron. Mais par contre, en terre d'islam, on veut cette chose et on émet cette chose comme condition, alors que cette condition, pour la plupart, ils ne l'ont pas en terre de mécréance. Et certains, comme on a dit, émettent la condition d'avoir sur place des écoles où les enfants peuvent apprendre le Coran, peuvent apprendre les sciences islamiques. Pourtant, pour certains, qu'Allah nous en préserve, leurs enfants sont à l'école publique et ils n'apprennent dans ces écoles ni le Coran, ni les sciences islamiques. Et ces arguments nous montrent très clairement que ces conditions sont caduques et qu'il incombe aux musulmans de faire la hijra sans émettre de conditions, car la hijra est une adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à ses serviteurs vivant en terre de mécréance et qui n'ont pas la capacité d'extérioriser leur religion. Il n'est pas légiféré d'émettre des conditions, surtout lorsqu'on n'a même pas ces conditions en terre de mécréance. La huitième et dernière ambiguïté que nous allons voir dans ce cours est que certains vont dénigrer ceux qui ont déjà fait la hijra. Ils vont te dire par exemple, moi je ne fais pas la hijra car un tel a fait la hijra et il touche les aides sociales. Ou bien il va te dire, moi je ne fais pas la hijra car un tel fait des allers-retours. Ou moi je ne fais pas la hijra car un tel est tombé dans telle ou telle chose. Et donc selon lui, c'est mieux pour la personne de ne pas faire la hijra. Et cette ambiguïté, ikhwani fillah, nous rappelle un procédé qui est connu. Souvent, la personne qui a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, prenons la personne qui ne prie pas par exemple. La personne qui ne prie pas, qu'est-ce qu'elle va faire parfois? Lorsque tu vas lui dire, il faut prier, il va te dire, oui mais regarde, un tel prie mais il ment. Un tel prie mais il boit de l'alcool. Un tel prie et il fume. Et donc, moi je préfère ne pas prier, être dans ma situation et au moins je ne fume pas. Et au moins je ne bois pas, etc. Pareil pour certaines femmes qui ne mettent pas le voile. Ils vont te dire, Fulana, naam, elle met le voile, mais elle fait telle et telle chose, elle fait tel et tel péché. Et donc, je préfère être sans le voile, d'accord, car je suis mieux comme cela et je ne vais pas tomber dans ces choses-là. Et en vérité, ce qui incombe aux musulmans, c'est d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et de faire ce qui est obligatoire et de ne pas regarder les gens, de ne pas se dire telle personne a fait la hijra et il est tombé dans telle chose. Fais plutôt des invocations pour ton frère ou pour ta sœur. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour elle, mais ne vient pas à la dénigrer et dire que moi je ne fais pas la hijra parce qu'elle est tombée dans telle chose. Toi, prends plutôt des enseignements de ses erreurs et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te faciliter et fais la hijra car c'est une obligation. Mais ne regarde pas les gens en te disant comme les gens ont fait ça, alors moi je ne fais pas cela. Car en vérité, si beaucoup de frères convertis auraient suivi ce procédé, ils ne seraient sûrement pas rentrés dans l'islam. Car certains ont vécu dans des milieux où il y avait certains musulmans qui volaient, certains musulmans qui faisaient des péchés, mais cette chose ne les a pas empêchés de rentrer dans l'islam. Car l'islam est la vérité. Et c'est exactement pareil pour la hijra. La hijra est une obligation. Donc tu te dois de faire cette obligation et de ne pas regarder les gens qui ont fait la hijra et qui sont tombés dans telle ou telle erreur. Ou tu ne dois pas regarder que dans tel pays, il y a certaines personnes, par exemple, qui mentent ou certaines personnes qui volent. Tu ne dois pas regarder cela. Mais tu dois émigrer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dois avoir une bonne intention. Il ne t'incombe pas de regarder ce que les gens font et ce que les gens ont fait dans la hijra. Mais il t'incombe et il est obligatoire pour toi de faire la hijra. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.